Allô Léa? C'est Mathilde. Mathilde! Alors tu es rentrée de Barcelone? Oui, là je suis à Paris. Tu es restée combien de temps là-bas? 5 jours. Tu es rentrée quand? Mardi dernier. Alors, Barcelone, c'est comment? Oh, magnifique. Étienne et moi, on y retourne le mois prochain. Ah bon? Et pour combien de temps cette fois? 2 semaines.